Jean Bosco, Douiman. Bon après-midi à vous tous, bienvenue à ce journal, la grande édition de cette mi-journée du 12 février 2018. Alors que deux hommes sont dans la main de la police pour avoir pris leur inscription au rôle d'électeur sur une colline où ils ne sont ni natifs ni résidents, le porte-parole de la Commission électorale nationale indépendante précise que chacun a le droit de se faire inscrire au centre de vote où il compte exercer ce droit le moment opportun. Et les commerçants ayant bénéficié des stands dans le marché de Kinama nouvellement réhabilité réclament avec insistance d'y avoir accès. Dans d'autres marchés, l'on est en train d'aménager les lieux pour débuter effectivement les activités. Reportage dans ce journal. Et l'administration en zone urbaine de Moussaga a interdit la commercialisation du vin de banane. Les détenteurs de débit de cette boisson locale n'en reviennent pas et affirment ne rien savoir sur les motivations de cette décision. Et en actualité africaine, les dirigeants du parti au pouvoir en Afrique du Sud doivent se rencontrer ce lundi pour décider de l'avenir du président Jacob Zuma, qui fait l'objet de plusieurs accusations de corruption. Le comité exécutif national, l'organe exécutif de l'ANC, pourrait lui demander de démissionner. Voilà pour le sommaire de ce journal, mis en onde par Eli Kadogo. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bonjour, deux hommes, Manila Kiza Grégoire, originaire de la commune Rango en province Kayanza et résident au centre Mouranvia, ainsi que Bigirimana Tarsis, originaire de la commune Bougendana en province Gitega et résident au centre Mouranvia, ont été appréhendés sur la colline Mourama de la commune Mbouye en province Mouranvia. Ils étaient en train de se faire inscrire au recensement sur une colline. Ils étaient en train de se faire inscrire pour le rôle d'électeur sur la colline où ils ne sont ni natifs ni résidents. Ils sont dans les mains de la police Mbouye. L'officier de police judiciaire a déjà entamé l'enquête préliminaire. Mais le porte-parole de la Commission électorale nationale indépendante précise que l'on a le droit de se faire enregistrer là où l'on compte exercer son droit de vote le moment opportun. Prosper Nahouamie, il est porte-parole de la Commission électorale nationale indépendante, qui affirme que l'observation du processus d'enrôlement des électeurs est un droit pour les hommes politiques, mais également pour tous ceux qui le souhaitent. Prosper Nahouamie, porte-parole de la CENI, appelle les politiciens à aller compléter les listes irrelatives auprès des commissions électorales communales ou provinciales proches. Suivez ces précisions de Prosper Nahouamie. Qu'il y ait des gens qui se sont fait enrôler là où ils ne sont pas nés, qui ont été arrêtés, c'est une information que vous venez de me donner. Mais le principe, c'est que quelqu'un se fait enregistrer là où il compte voter. Mais nous savons que pour des raisons diverses, chacun peut se retrouver à un endroit autre que celui de sa naissance. Par exemple, moi je suis de Makamba, je travaille à Bujumbura, je vais me faire enrôler à Bujumbura. Je suis totalement en ordre avec la loi. Nous avons déjà appris qu'il y a eu quelques agents recenseurs qui ont mal enrôlé les gens. La chose maintenant, c'est de vérifier s'ils l'ont fait sciemment ou si c'est par erreur. Or, ces personnes-là sont dans les mains de la justice. C'est la justice qui va nous dire si oui ou non la faute ou l'erreur ont été commises sciemment ou pas. Mais si c'est démontré que c'est fait dans le sens de saboter ou de boycotter le processus électoral en cours, il y a des sanctions pénales qui courent ces gens-là. Mais c'est la justice qui va nous dire ce qui s'est passé réellement. Certaines idées des partis politiques qui appellent leurs membres à superviser les activités et donner chaque fois rapport sur les activités d'enrôlement, et que cela est-il autorisé par la loi? Peut-être le terme est impropre, c'est pas superviser l'enrôlement, mais observer l'enrôlement, oui. Ils ont le droit de faire l'observation et les mandatés ont le droit de faire rapport. C'est pas contre la loi, c'est autorisé. Nous donnons des accréditations au niveau national. Les accréditations se donnent au siège de la CENI, mais au niveau local, les attestations d'accréditation se donne au niveau de la CECI, mais ces accréditations sont signées par les responsables des CEPI. Donc, c'est autorisé de faire l'observation d'enrôlement des électeurs. La loi le permet. Prosper Nahouamie, il était au micro de Charles Makoto. On parle toujours enrôlement avec la coalition Miséroya Barundi qui appelle ses membres à se faire enrôler pour avoir le droit de vote. Le président de cette coalition indique que ce n'est pas contradictoire d'appeler leurs membres à se faire enregistrer alors qu'ils sont contre le processus référendaire. Agathon Ouassa déplore aussi la persécution persistante contre les membres de cette coalition soupçonnés de mener des campagnes pour voter le non. Il qualifie cette pratique de deux poids, deux mesures. on n'a pas l'idée de saboter. Parce que à un référendum, c'est un droit de dire oui ou non. Donc si on dit non, ce n'est pas saboter, pas du tout. Les irrégularités, nous sommes toujours là, sur notre position. C'est un processus venu mal à propos. Néanmoins, par rapport à l'armement, nous lançons un appel vibrant à tous nos sympathisants et à tous les Burundais. Et comme l'armement en cours est, selon la CENI, valable pour 2020, parce que si on ne s'arrore pas aujourd'hui, on ne pourra pas aller voter en 2020. Donc, ne pas s'arrorer aujourd'hui signifie qu'on ne sera pas au rendez-vous de 2020. Nous ne faisons pas de campagne. Pourtant, le CNDD-FDD, le pouvoir, il faut toute la campagne pour le oui. Non, c'est du deux poids, deux mesures. Et même par rapport à aujourd'hui, c'est un référendum. Et je suis convaincu que ceux qui sont en désaccord avec ce processus ne sont pas seulement que des amis élèves Barundi ou de l'opposition. Alors, si l'administration, si la police devrait arrêter quiconque fait campagne, ils arrêteraient ceux qui prêchent pour le oui, parce que ce n'est pas le moment de prêcher pour le oui. Mais parce qu'au Burundi, on se connaît après tout. Parce qu'au secrétaire et fédéral Ouassa, il est facile de dire qu'il va voter non et de prétendre qu'il a fait campagne. Ce qui étonne, c'est qu'on arrête des gens dans les champs, sur la voie publique, un individu qui est seul, vous dites qu'il était en train de prêcher le non. Comment? C'est une injustice flagrante. Et c'est ça qui entache la réputation de notre administration. Et quand alors il y a des gens qui sortent leur rapport, on commence à dire que c'est faux, c'est archi faux, alors que les faits sont là, sont vécus au quotidien par tout le monde. Agathon Rwasa, qui s'est également exprimé sur le récent rapport du secrétaire général des Nations Unies sur la situation politico-sécuritaire du Burundi décrié par le gouvernement. Agathon Rwasa salue ce rapport qui, selon lui, est un clin d'œil à tous les Burundais. Il confirme également la thèse contenue dans son rapport selon laquelle le climat est malsain dans la classe politique à cause du processus d'amendement constitutionnel. Suivez encore une fois Agathon Rwasa. C'est un rapport, en fait, que je considère comme un clin d'œil envers les Burundais. Tant du pouvoir que de l'opposition, parce qu'il est de notre devoir à nous tous de résoudre ensemble les problèmes de notre pays à travers un dialogue inclusif et un dialogue, non pas pour un dialogue, mais un dialogue constructif. Et c'est dommage que malheureusement, chaque fois qu'il y a des gens qui ouvrent leur bouche pour dire ce qui ne va pas au Burundi, on les traite de tous les mots, comme si au Burundi nous étions au paradis. Si on dit qu'il y a des difficultés par rapport à ce processus, je crois que les preuves sont là. Les arrestations, l'exclusion, tout ça, ce sont des preuves que, effectivement, le climat politique n'est pas du tout bon. Mais oui, parce que nous en subissons les conséquences. C'est nous qui vivons tous les affres de la colère du pouvoir. Même si la vérité blesse, la vérité quand même nous aiderait quand même à nous ressaisir. Tout ce que je ferai, je dirai au CNDD-FDD et à son pouvoir de se ressaisir, de penser et croire que nous sommes tous Burundais, que nous avons tous des droits et que notre collaboration franche produirait beaucoup plus de fruits que cette médisance et cette méfiance à outrance. Le député Agathon Rwasa et le directeur provincial de l'enseignement à Rutana déclarent que le fait d'exiger aux enseignants de donner des contributions pour les élections autres que celles qui sont prévues par l'ordonnance ministérielle conjointe, c'est passer outre la loi. Siméon Genzebuhoro le dit au moment où le directeur de l'école fondamentale d'Ogakome en commune de Musongati a collecté ces derniers jours une somme de 3000 francs burundais pour chaque enseignant avant d'afficher la liste de ceux qui n'avaient pas contribué. Le directeur provincial de l'enseignement à Rutana appelle tous les directeurs d'école dans sa province d'arrêter cela. Siméon Genzebuhoro au téléphone avec médiatrice Emir Ousabe. J'aurais entendu un certain directeur de la direction communale de Musongati, la direction qui s'appelle Gakome, que le directeur aurait exigé à ses enseignants de contribuer. C'est hors la loi parce que la loi exige que le retrait se fait au niveau de la fonction publique. Donc celui qui aurait fait ça en contradiction avec la loi. Avec ce directeur de l'Ecofo Gakome, j'ai appelé le directeur de l'enseignement de Musongati d'appeler le directeur pour qu'il puisse lui donner des conseils s'il le faut. faut le sanctionner parce qu'il a fait ça en dehors de la loi. Et je lance un appel très vibrant qu'il ne faut pas passer outre la loi. La loi dit que le retrait pour les élections se fait au niveau de la fonction publique. Autre contribution, c'est volontaire, mais ce n'est pas exigeant. Donc je demande à ce directeur de ne pas le faire parce que ça serait en contradiction avec la loi. Siméon Nyanzeuhoro, c'est le directeur provincial de l'enseignement en province de Rutana où il est 13h06, comme à Bujumbura. Isanganiro, la radio de l'avenir. Je vous l'avais dit dans les titres, les commerçants qui ont leur stand dans le marché de Kinama, qui vient d'être réhabilité, se plaignent de n'avoir pas accès à cet endroit. Ils craignent que certains de ces stands risquent d'être attribués à d'autres. Ceux qui se sont exprimés sur le micro de la radio Isanganiro affirment qu'ailleurs, dans d'autres marchés réhabilités à Bujumbura, l'on est en train d'ériger des stands pour débuter les activités. Ils demandent à la mairie de Bujumbura de vider cette question. C'est un reportage de Léonce Vitaliou. Ces commerçants affirmaient que, depuis l'affichage en décembre de la liste de ceux qui vont opérer dans le nouveau marché d'Okinama, ils n'y ont jamais eu accès pour voir tout au moins leur stand. Entre autres inquiétudes est soulevé, le comité qui est, selon eux, présidé par un coiffeur est composé essentiellement de non-commerçants. C'est un comité qu'ils ont mis en place. Ils ont nommé un coiffeur pour représenter les commerçants, qui ne sait rien du commerce. Nous craignons que nos stands soient vendus. Vous comprenez, un coiffeur, et qui ne possède même pas de stand, ne peut pas représenter les commerçants. Son adjoint vend des boissons prohibées, dites thé vert. Personne n'exerce ses activités dans son marché. Ils affirmaient que des travaux de construction de stands dans certains autres marchés réhabilités comme Eruziba, Jabé et Moussaga sont en train d'être menés et demandent qu'il en soit de même à Kinam. Nous demandons que le commerçant ait l'accès au marché pour voir où se trouve son espace. Nous demandons également le maire de la ville de nous donner un commerçant pour nous représenter et non n'importe qui ne sait rien du commerce, il ne défendra pas nos intérêts. Nous demandons avec insistance que le maire de la ville prenne cette question en main pour donner des représentants commerçants justes qui savent défendre l'intérêt du commerçant. Ces commerçants de Kinama se plaignent également des frais qui seraient exigés pour la construction de stands dans ces nouveaux marchés réhabilités. Ils estiment que la somme est incompatible avec la superficie d'un stand, mais pour plus de précision, ce sera dans nos éditions ultérieures. Léonce Vitariho. Également dans l'actualité, le nommé Minan Isaac de la colline Egakongo en zone Mugege de la commune Butaganzwa, là nous sommes dans la province de Ruyigi, a été appréhendé ce dimanche et se trouve au cachot du commissariat communal Butaganzwa pour enquête sur un probable détournement d'1 086 000 francs burundais venant des taxes communales. Et cela a été remarqué lors d'un contrôle au cours duquel on a constaté que la somme marquée sur les quittances n'était pas identique à celle versée à la coopérative d'épargne et de crédit. Et environ 4000 plants de jacquier sont en cours de plantation dans différentes localités de la province Muyinga. Ce fruit très envié, surtout par les femmes et les enfants, a une grande valeur nutritive d'après les techniciens à la direction provinciale de l'agriculture et de l'élevage à Muyinga, qui en font la promotion. Les vendeurs de vente de bananes ont suspendu leurs activités depuis la semaine dernière. Ils ont pris cette décision en signe de protestation contre le versement des quantités de cette boisson pour certains vendeurs de la zone de Moussaga. Ils disent ne rien savoir sur la motivation derrière cet agissement des administratifs. Ils demandent aussi que leur matériel saisi leur soit remis. L'administration confirme qu'elle est au courant de ce qui s'est passé. C'est un reportage de Lydia Gahimbare. Comme nous l'avons constaté, les bistrots de la zone Moussaga où on faisait la commercialisation de la boisson locale dénommée Lugombo sont fermés. Cette dame disait que son employé préparait les matériels les mardis passés comme à l'accoutumée, mais par après, elle a appris que ces boissons ont été renversées. Cet homme aussi dit qu'il n'était pas à la localité au moment où ces boissons étaient renversées aussi. Je n'étais pas à la localité. À mon bar se trouvait mon enfant. Quand je suis arrivé, on m'a dit que cette boisson est prohibée. On appelle le chef de la zone. Quand il est arrivé, il leur a dit que depuis des années, cet homme ne voit pas des boissons prohibées. C'est une boisson locale provenant des bananes. Ils ont renversé mes boissons et sorti avec mes matériels aux zones Kanyosha. Le chef de la coopérative de vendeurs de vin de bananes COVVB en sigle dit qu'ils se sont informés auprès de l'administration, mais sans réponse, d'où l'arrêt provisoire de commercialisation de vin de bananes. Les membres de la COVVB demandent les explications du renversement de leurs boissons et la remise des matériels qui ont été saisis. Le chef du quartier Guitalamoka de la zone Moussa dit qu'il est au courant de la situation et ils attendent que la question soit réglée. Lydia Gahimbare. Du sport, l'équipe Message Ngozi vient provisoirement en tête dans la 18e journée du championnat national de football Primus League. C'est après avoir battu la formation d'Atlético Olympique ce dimanche au stade Prince-Louis Ouagasore par un score de 2 buts à 1. Aujourd'hui, à 15h, au stade de Gitega, c'est tout à l'heure, Delta Star, qui occupe la dernière place du classement, croisera le fer avec Musongati. Les détails dans cette actualité sportive, Jean-Marie Vianney Ngendakoumana. Le championnat national du Primus League a continué ce dimanche 11 février à sa 18e journée. Trois matchs étaient prévus à ce rendez-vous. À 14h, au stade Prince-Louis Ouagasore, Message Ngozi a battu difficilement Atlético Olympique sur un score de 2 buts à 1. Cette victoire a permis à la formation de Message Ngozi d'occuper provisoirement la première place du classement avec 43 points après l'idée de que Burundi Sport for Africa qui vient en deuxième position avec 41 points. Toujours au stade Prince-Louis Ouagasore, à 16h, Buja City a remporté la victoire contre la formation de Messager Bujumbura sur un score d'un but à 0, ce qui a permis à l'équipe d'occuper la 5e place avec 30 points. Au centre du pays, Flambeau du Centre de Vas Sporter a battu Ngozi City 3 buts à 0. Cette victoire a permis cette formation d'occuper la 10e place du classement avec 21 points. Les autres matchs pour la 18e journée du championnat national sont prévus ce lundi 12 février. À 14h, au stade Prince-Louis Ouagasore, Interstar croisera le fer avec Aigle Noir de Makamba et à 16h, les Lyels vont affronter Flambeau de l'Est de Luigi. Au centre du pays à Gitega, l'équipe de Musongati va accueillir Delta Star de Gatumba qui occupe provisoirement la dernière place du classement avec 5 points. Dans le championnat international à la fin de ce week-end, les équipes burundaises sont sorties avec Anil. Au Rwanda, Rayon Sports de Kigali a égalisé avec Lydia Ludique Burundi Sport for Africa un but partout à Ligue des Champions africaines. Au stade Prince-Louis Ouagasore, Olympique Stade de Muyinga et Étoile Filante de Burkina Faso sont sortis avec un score nil et vierge dans la Coupe de la Confédération en Afrique. Jean-Marie Vianney, Ngendakoumana. Et la route menant vers la gare du Nord, en passant devant le palais des congrès de Kigobe, est menacée par un ravin se trouvant à l'endroit communément appelé Kumwembe. Les usagers de cette route craignent que des accidents qui pourraient se produire suite à ce ravin qui ne cesse de s'élargir. Ils demandent le réaménagement de cet endroit avant qu'il ne soit tard. Gertrude Mawenayo. Sur cette route, plus précisément en dessous de l'avenue qui mène à l'université du lac Tanganyika, les passagers s'arrêtent pour regarder l'ampleur de ce ravin. Cette femme dit qu'elle a des inquiétudes. Cette femme dit qu'elle est inquiétée par le fait que beaucoup d'élèves passent sur cet endroit. J'ai des inquiétudes envers les enfants et les véhicules qui passent dans cette route. Donc, il faut aménager cet endroit dans les meilleurs délais pour protéger la population. Un mangue qui soutenait le bord de la route du côté du quartier 6 de la zone Ngagara est tombé dans ce ravin. Cet homme dit que si rien n'est fait, la situation risque de s'aggraver comme de l'autre côté de la rivière Nahangwa. Cela montre que cette route va être abîmée si rien n'est fait. En plus, l'État doit faire le tout possible dans les meilleurs délais pour aménager ici et même l'autre côté de la rivière Nahangwa. Que ce soit les conducteurs de motos, que ce soit les conducteurs de vélos, tous demandent que cet endroit soit réaménagé avant qu'il ne soit tard. Moi, étant conducteur de moto, nous versons chaque jour 700 francs dans la caisse d'État pour la cotisation. Donc l'État peut contrôler et aménager les mauvaises routes, en particulier les caniveaux. C'est mon avis. Nous, les motards, ça peut arriver qu'une voiture arrive subitement et tu veux l'échapper au bord de la route. Par hasard, tu peux tomber dans la fossée. Donc c'est un problème sérieux pour nous les chauffeurs. Nous avons essayé de contacter la direction générale de l'Office des routes pour savoir s'ils sont au courant de cette situation, mais nous n'avons pas pu les rejoindre. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. Ce jingle annonce l'actualité internationale et ce qui fait la une de l'actualité africaine sont les dirigeants du parti au pouvoir en Afrique du Sud qui doivent se rencontrer ce lundi pour décider de l'avenir du président Jacob Zuma. S'exprimant lors d'un rassemblement ce dimanche au Cap, Cyril Ramaphosa, vice-président du pays et leader de l'ANC, a reconnu que le parti au pouvoir traverse une période de désunion et de discorde. Cyril Ramaphosa a promis de s'attaquer à la corruption qui a entaché le mandat de Jacob Zuma. Le successeur élu de Zuma à la présidence de l'ANC depuis novembre dernier a fait cette promesse lors du lancement des activités marquant le centenaire de la naissance de Nelson Mandela, le premier président noir de l'Afrique du Sud. Le comité exécutif national, l'organe exécutif de l'ANC, pourrait demander à M. Zuma de démissionner. L'actuel président sud-africain fait l'objet de plusieurs accusations de corruption. Il est âgé de 75 ans, il exerce un second mandat qui doit officiellement prendre fin en 2019. Mais une partie des militants de son parti et de l'opposition veut qu'il quitte le pouvoir le plus tôt possible. Une réunion du comité exécutif national de l'ANC a été annulée la semaine dernière, c'est pour votre rappel, en raison de pourparlers directs entre Jacob Zuma et Cyril Ramaphosa. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Et c'est Eli Kadogo qui l'a mis en onde. Au micro, Jean Bosco Ndouimana. Passez un bon après-midi.